Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Mag sur Radioactive. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers du jazz avec la 39e édition de Touraine Jazz Festival. Et pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Claude Garcera, président du festival. Bonjour Claude. Bonjour Marlène, bonjour aux auditeurs. Alors en quelques mots, on le sait, c'est une institution, c'est un monument ce festival. Mais est-ce que vous pouvez, Claude, nous rappeler comment s'est imposé cet événement justement dans le paysage ligérien ? Oh, je ne suis pas complètement certain que ce soit un monument. Un monument est là pour être statique, ne pas bouger, ce qui n'est absolument pas le cas de ce qui est devenu Touraine Jazz Festival après avoir été Jazz en Touraine. Alors bon, le changement de nom va venir progressivement. On n'est pas les premiers à changer de nom, on ne sera pas les derniers. Et voilà, on va se faire progressivement à cette nouvelle appellation. Alors, 1986, il y a 39 ans de ça, le maire de Montlouis, Jean-Jacques Filleul à l'époque, décide de donner à sa ville une identité culturelle que les villes de la deuxième couronne de l'agglomération tourangelle n'avait pas forcément à cette époque-là. Amateur de jazz, il propose à son conseil municipal eh bien, de faire un festival de jazz. Et ce premier festival verra le jour peu après l'élection de cette équipe municipale avec un certain nombre de têtes d'affiche de cette époque qui sont certains encore vivants. Et la séance ne se déroule pas à l'espace Ligeria qui sera construit l'année d'après, mais dans le gymnase Léo Lagrange, en face de votre studio, Marlène. C'est ici qu'est né Jazz en Touraine avec Jean-Jacques Filleul et depuis voilà, un renouvellement permanent, d'où le fait qu'on ne soit pas ni une institution ni un monument, mais bien quelque chose de vivant qui bouge et qui propose tous les jazz qui font plaisir aux habitants de notre territoire et plus largement aux amateurs de jazz de la France entière. Et alors 39 éditions déjà, ça représente quoi pour vous cette longévité ? Ça représente à la fois notre engouement pour les différentes formes de jazz et puis de continuer de faire plaisir aux spectateurs qui viennent en nombre sur des registres très différents. On en fera rapidement le tour tout à l'heure pour encore une fois proposer des esthétiques variées. Alors on dit de nous que nous sommes un festival éclectique, ce qui n'est pas complètement faux, mais tout en restant avec une ADN jazz très très très forte, même si on fait quelques incursions dans la musique classique, dans le rap ou dans les musiques actuelles. Et notamment sur les scènes off où on retrouve des choses originales dont vous nous parlerez sans doute dans le courant de cette émission. Je fais le parallèle aussi avec notre ami François Néraud, évidemment, qui est notre animateur de Oser Jazz à tous les étages sur Radioactive, qu'on retrouve tous les lundis maintenant dans l'Active Groove à partir de 21h. Une pensée évidemment pour Boris Kurtz, les pilotes de cette émission et François qu'on retrouve aussi dans le conseil d'administration. Complètement, François Néraud qui est un puits de science musicale, qui connaît tout sur tout et qui fréquente assidûment les salles de concert pour renouveler l'approche. Et qui fait bien évidemment partie de nos deux comités de sélection, un sur le off, composé exclusivement de bénévoles, et puis sur le in, les 17 concerts du in. Nous sommes un petit groupe, François, on fait partie, avec un programmateur professionnel, Arnaud Bell, que nous avons recruté au décès de notre ami Boris, qui a fait ce job pendant très longtemps. Alors François qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui va l'être quand même d'une certaine manière, puisque je lui ai demandé de nous sélectionner quelques titres à écouter dans cette émission pour nous donner un avant-goût de cette belle programmation. Alors dans ce premier extrait, on va se mettre dans l'ambiance avec une artiste

said, one life, so it's time to open up your closet. Life's not worth a damn till you can shout out loud, I am what I am. Baba doo ba doo da da day, baba doo be ba ba ba, baba doo be doo be da ba day, baba doo be ba ba day, be ba doo da doo be da doo day, ba doo ba ba way, ba doo ba ba. Véronica Swift avec I Am What I Am, une artiste que vous retrouverez sur la scène de l'espace Ligeria dans le cadre du festival Jazz en Touraine qui s'appelle d'ailleurs maintenant, enfin dont l'appellation a un petit peu évolué. On parle de Touraine Jazz Festival. Alors je sais que ma collègue Mélissa sur campus vous a un petit peu questionné sur ce tournant dans le nom. Alors pourquoi ? Oh, c'était le souhait, non pas de tourner une page, bien évidemment, parce qu'on ne tourne pas les pages comme ça, mais voilà, une petite touche de modernité pour se caler sur les appellations de beaucoup d'autres festivals en France qui prennent cette déclinaison avec les trois noms, ce qui forme un triptyque que nous n'avions pas avec Jazz en Touraine, le an étant ajouté, quoi. Alors c'était un premier extrait avec Véronica Swift, Claude Carcera. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette belle programmation ? Est-ce que déjà il y a un thème quand vous vous réunissez pour travailler la programmation ? Est-ce que vous vous dites, bah tiens, cette année on aimerait travailler plus ou moins sur une direction différente ou pas ? Même si on se donnait ce thème, je pense qu'on aurait du mal à le suivre. C'est effectivement un savant dosage. Oui. Je redis, hein, ce que l'on souhaite, c'est proposer tous les jazz aux spectateurs. Alors on est assez mainstream quand même, on est assez grand public. C'est pas un jazz de musiciens, même si les musiciens sont évidemment les bienvenus, mais en tous les cas, voilà, c'est pas un jazz qui nécessite vraiment d'être décrypté. Pour les ouverts aux seuls spécialistes. Alors il en faut et c'est bien et on aime bien les uns les autres, mais grand public, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse prendre du plaisir immédiatement sans pour autant avoir été formé à cette dextérité musicale propre à la discipline. Donc des esthétiques variées. Et on renoue avec des esthétiques variées, notamment pour ce qui va concerner la musique manouche, puisque ça faisait quelques années que seul au Magic Mirror nous accueillions les musiciens d'Europe de l'Est ou manouche. Donc là, on renoue avec cette esthétique-là. On aura donc Angelo De Bar, hein, qui jouera mercredi 17 septembre. Il invite Thomas Ditron sur cette musique-là, sur son projet qui consiste à inviter des chanteurs, des chanteuses, d'autres musiciens avec lui. Donc là, il a demandé à Thomas de l'accompagner. De la musique latine aussi, ou latino, emprunt de latino, avec deux artistes cubains. Le premier, Sima Funk, dès samedi 13 septembre. Sima Funk, c'est le Jam Ron Cuba. Il vient avec ses musiciens de la Havane et il va endiabler l'espace Ligeria. Et à ce propos, pour vos auditeurs, nous faisons une promotion, une place debout achetée et une place debout offerte. Donc voilà, on peut venir à deux pour un prix extrêmement réduit sur cette soirée funk avec Sima Funk et en première partie, sur un premier plateau, ceux qui marchent debout, voilà, qui ne sont pas des jeunes, mais ils tournent depuis 20 ou 30 ans, en tous les cas, là aussi c'est du funk, et avec un interplateau assuré par un tourangeau que les uns et les autres connaissent, qui est Digi Tombé, qui fera l'accueil et l'interplateau. Donc cette soirée funk avec Sima Funk. Donc on a une chanteuse, une jeune chanteuse américaine qui est Véronica Swift que l'on vient d'entendre, qui a déjà une petite carrière hein, aux États-Unis, qui arrive en Europe, en France. Elle a tourné dans tous les grands festivals de jazz cet été. C'est une jeune femme qui est issue du jazz. Ses parents sont musiciens de jazz et qui a fait une incursion remarquée, y compris dans le dress code sur les musiques actuelles, et qui revient au jazz. Elle a joué à Marcillac, elle vient maintenant sur Mont-Louis, elle sera à la Villette. Voilà, c'est une artiste accomplie, étonnante, ébouriffante. Voilà, ça va être une super soirée avec cette belle chanteuse extrêmement énergique. Donc voilà, on a une voix, Veronica Swift, on a du funk, parce qu'on aime bien le funk, à Touren Jazz Festival, une soirée complète de funk. Puis après, on redescend en rythme avec Stefano Di Battista, un grand saxophoniste italien qui parle français, qui nous fait le plaisir de venir avec un projet qui s'appelle Dolce Vita. Comme son nom l'indique, il va revisiter des standards de musique de films italiens ou des compositeurs interprètes comme Paolo Conte. Voilà, ça va être un grand moment de jazz ce mardi 16 septembre. Mercredi 17, je l'ai évoqué, c'est Angelo De Bar et Thomas Dutronc. On est dans le Manouche. Et un autre Cubain, jeudi 18, qui est Alfredo Rodriguez, alors, qui est déjà venu sur Jazz en Touraine de l'époque avec Richard Bonnat. Là, il sera sur un trio, ça va être assez étonnant, un trio latino, il est cubain, je l'ai déjà rappelé, et il va lui réinterpréter un certain nombre de standards ou de tubes, pas que des siens. On pense à un Thriller de Michael Jackson, voilà, il va jouer Thriller à sa façon, et c'est un garçon extrêmement étonnant qui va prendre la lumière et qui va nous éclairer sur toute cette soirée-là. On poursuit, là on reste, Marlène, sur l'espace Ligeria, on est sur des concerts qui ont lieu à 21h. Vendredi 20, nous aurons China Moses qui revient, parce qu'elle est déjà venue deux reprises sur notre festival. China Moses qui n'est autre que la fille de Didi Bridgewater qui elle aussi avait son rond de serviette dans notre festival. Voilà, China Moses qui est une belle personne qui parle très bien français. Elle est bilingue, elle est franco-américaine, elle vit en Angleterre. Donc on est très très très cosmopolite hein, sur ce festival-là. C'est un festival international de jazz et le international, ce sont pour nos amis qui viennent d'autres pays que la France sur notre festival. Et on est très heureux d'accueillir de nouveau China Moses. Et on terminera le festival sur le samedi 21 avec deux plateaux. Un plateau inhabituel, un big band, qui est le big band de l'œuf, piloté par Pierre Baldi, qui nous joueront un concert gastronomique. Puisque sur scène, ils sont tous sommeliers, serveurs, pâtissiers. Voilà, ils ont tous un rôle dans ce grand restaurant qui sera sur scène. Ils sont 19 musiciens sur scène. Et il y aura un cuisinier qui accueillera quelques spectateurs tirés au sort et qui viendront déguster les plats préparés par ce cuisinier qui n'est autre que Olivier Arlot, connu des gastronomes tourangeaux et bien au-delà. Et Olivier nous a fait le plaisir de venir sur ce festival accompagner ce programme qui est empreint de l'anniversaire du 15e anniversaire du repas gastronomique des Français, porté par l'IUHCA, donc l'Institut de l'Histoire des Cultures Alimentaires de Tours. Donc c'est un peu Tours qui a inventé le village gastronomique des Français, donc il l'a porté auprès de l'UNESCO. Voilà, c'est un clin d'œil à ce 15e anniversaire. Et je disais qu'il y a deux concerts un peu majeurs sur cette dernière journée. Alors, l'un qui aura lieu à 19h au Magic Mirror avec Sogdahead qui est une formation issue du collectif La Saugrenue, bien connue en Touraine. Voilà, Sogdahead qui le matin aura fait une masterclass, donc il y a une quarantaine d'élèves, enfin une quarantaine de personnes inscrites à cette masterclass et qui viendront, s'ils le souhaitent, jouer quelques morceaux avec Sogdahead à 19h. Alors, Sogdahead, c'est le brass band classique des premières lignes voilà, aux États-Unis. Ça va être un moment festif, joyeux, voilà, juste avant l'autre concert dont je viens de parler. Et on terminera avec alors un autre personnage qui bat la campagne aujourd'hui sur toutes les routes de France, qui s'appelle Bassé Ebong. Bassé Ebong qui est un spécialiste de la voix. Qui s'est produit au Théâtre Beaumarchais à Amboise l'année dernière, qui avait d'ailleurs fait une résidence. Tout à fait, et qui a fait une résidence, et qui a fait un spectacle complet. Enfin, il n'y a plus une place à vendre sur Théâtre Beaumarchais. C'est un spectacle qui était vraiment extraordinaire. Et donc Bassé revient en collaboration avec le CEPRA Voix, que je salue et que je remercie, parce qu'ils nous ont accompagnés pour porter ce spectacle-là. Et Bassé, lui aussi, aura fait, ce qui n'est pas complètement une masterclass, mais en tous les cas, il aura le dimanche précédent, c'est-à-dire après-demain ou presque, fait une chorale géante qui s'appelle Un jour un cœur. Donc il y a 100 inscrits, donc il y a 100 personnes qui vont venir au Magic Mirror avec Bassé pour cette chorale géante qui, elle aussi, pourra rejouer quelques morceaux avec Bassé cette dernière soirée. Alors 100 personnes sur une chorale, ça peut paraître beaucoup pour vous et pour moi, Marlène. Bassé vient d'animer une chorale avec 4000 personnes. Donc ça va, l'exercice est acquis. Avec à Vaison-la-Romaine, donc on n'est pas étonné du tout de sa capacité à faire et animer. J'ai pas parlé du Magic Mirror, Marlène. Donc ça c'est aussi important parce que c'est notre bois de jazz à nous. Ouais. C'est cette structure de bois et de velours assez intimiste avec une scène proche des spectateurs. Voilà, quelque chose d'assez original avec les alcôves. On peut boire un coup, manger 3-4 trucs. Voilà, c'est la boîte de jazz. Et on va démarrer avec Thérèse Montcalm. Avec Swing That Classic dès vendredi. Swing That Classic, c'est, comme son nom l'indique, une artiste lyrique qui progressivement fait passer du classique au swing. Voilà, c'est un spectacle assez étonnant avec des musiciens, une partie de musiciens locaux, Cédric Piromali, le clavier bien connu des Tourangeaux, le pianiste bien connu des Tourangeaux, qui sera présent avec Swing That Classic. Et puis Thérèse Montcalm le lendemain, donc encore dans l'international, Thérèse Montcalm qui est connue, hein, qui arpente les scènes du monde entier depuis j'allais dire des décennies, mais pas loin quand même. Mmh. Thérèse Montcalm qui va être entre folk et rock, mais un peu intimiste. Elle est québécoise et elle est en Europe là cette année pour continuer sa belle carrière. Et on est super content d'accueillir Thérèse Montcalm. Après, toujours au Magic Mirror, alors le dimanche 14, j'ai dit le matin, Bassé Ebong avec Un jour un cœur, et l'après-midi, nous aurons un spectacle qui s'appelle Feat, ce sont les danses du jazz, donc l'histoire des danses du jazz avec deux danseurs et trois musiciens. À partir de 16h, c'est un spectacle que l'on a voulu familial, C'est pas un spectacle jeune public. C'est... Alors, le jeune public, bien sûr, est invité à partir de 8 ans. Ça peut être tout à fait, c'est tout à fait adapté, mais pour que les parents viennent avec leurs enfants voir ce magnifique spectacle qui sera rejoué le lundi et le mardi pour les enfants des écoles de Mont-Louis. Génial. Ouais, qui viendront à leur tour voir ce beau spectacle qui s'appelle Feet. Donc c'est 100 ans de danse et de musique de jazz. J'ai parlé du mardi 16 avec Stefano Di Battista. Vous me posiez la question, Marlène, de savoir si on thématise... si on thématise le festival, donc le festival n'est pas thématisé, mais les soirées peuvent l'être. Mm-hmm. Je parlais de soirées funk tout à l'heure. Et là, la soirée au Magic Mirror avant Stefano Di Battista, c'est Kika, une jeune artiste italienne qui revient, elle aussi, elle est venue il y a 2 ans déjà, voilà, elle est pétillante et elle va enflammer elle aussi le Magic Mirror. On passe au mercredi 17 septembre, toujours au Magic Mirror. Et je pense que vous voyez une surprise pour vos auditeurs, Marlène, puisque on nous va accueillons. Baptiste Herbin Trio. Nous accueillons Baptiste Herbin. Baptiste Herbin qui a été nominé aux victoires du jazz la semaine dernière. Il n'a pas eu le prix, mais en tous les cas, il a été nominé à la fois en tant que. Le saxophoniste, mais également pour son album qu'il va nous proposer. C'est son projet qui s'appelle Django. Et ce sera Django sans guitare. Quelque chose d'assez étonnant. Je vous encourage à venir. Et puis on va l'écouter peut-être, Marlène. Et précisément, puisque là encore, notre François, comme vous le disiez tout à l'heure, cette bible de la musique et plus précisément du jazz, nous a sélectionné un morceau. C'est donc Baptiste Herbin Trio accompagné de André Ceccarelli à la batterie et Sylvain Romano à la contrebasse. On écoute donc Les Nuits de Saint-Germain-des-Prés, extrait de l'album Django. Thank you. magnifique extrait, Baptiste Herbin, trio accompagné d'André... Ceccarelli. Voilà, c'est Claude Garcera, toujours président du Festival Touraine Jazz Festival, qui est à mes côtés aujourd'hui et qui m'aide parce que voilà, lui, il a l'habitude de cette programmation, il connaît bien le nom de tous ces beaux artistes qui ont été programmés. Et c'était donc Les Nuits de Saint-Germain-des-Prés, extrait de l'album Django, Baptiste Herbin Trio, que vous retrouverez le 17 septembre au Magic Mirror. C'est bien ça ? C'est ça, c'est tout à fait ça, Marlène. Donc là, on sera sur une soirée Django, puisque nous aurons Angelo Debar à 21h à l'Espace Ligeria, et donc Baptiste Herbin dès 19h au Magic Mirror. Le lendemain, toujours au Magic Mirror, ce sera Mama Shakers. Mama Shakers, c'est un groupe New Orleans, voilà, dans la pure tradition de la Nouvelle-Orléans, qui va nous faire danser au Magic Mirror le vendredi, parce que nous serons déjà le vendredi. Bah, c'est un jeune guitariste talentueux qui s'appelle Hugo Lippi, qui a joué avec beaucoup de monde. Il a joué avec Michel Legrand, il a joué avec Mélodie Gardot. Voilà, c'est un grand guitariste que je vous invite également à découvrir. Et puis samedi, j'en ai parlé de Sogdaed et j'ai parlé également de Bassé et Bong. Et puis il y a le village gourmand, donc 17 concerts tous les soirs à partir de 19h et le week-end à partir de 15h pour le samedi et à partir de 13h pour le dimanche. Et puis dans 17 communes qui sont dans le Grand Est Tourangeau. Absolument. Et donc un certain nombre de concerts là aussi qu'on va pouvoir écouter à Chancé-Reny, Vernou, Noisé, Larçay-Vérets, Saint-Avertin, voilà, j'en oublie encore. C'est toujours le risque de se lancer dans une liste. Oui, on a Amboise avec Touba Bornot Toubab qui va venir également nous voir. Terminé par Amboise avec Touba Bornot Toubab qui va jouer deux fois, une fois à Amboise mercredi et une fois à Mont-Louis et également. Moi, je vous encourage à aller sur la place Heurtaud à Amboise pour Touba Bornot Toubab. Ça va être un grand moment. Eh bien, merci beaucoup Claude Garcera d'avoir été avec nous pour nous présenter cette 39e édition du Touraine Jazz Festival. On l'a compris, il y aura de belles émotions, de grands artistes et surtout un vrai moment de partage autour du jazz. C'est vrai que ça fédère le jazz. D'ailleurs, on retrouve qui comme type de public ? Est-ce que c'est des amateurs éclairés ou juste des curieux qui viennent découvrir ou les deux ? Les deux. Il y a des fidèles du début de l'histoire qui viennent chaque année, qui prennent 3-4 jours qui, voilà, chaque année, ils sont là et on les revoit sur le village. Il y a effectivement des curieux, il y a des plus jeunes générations qui viennent spécifiquement pour voir tel ou tel artiste. Merci Claude, merci d'avoir présenté tout ce programme du Festival de Jazz en Touraine. Claude, on vous souhaite un superbe festival. Merci Marlène. C'est la fin de ce mag, vous pourrez le retrouver en podcast sur la page Facebook Radioactive 93 et 94.7 FM, mais aussi sur notre site internet radioactivefm.fr. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.